Alors, je vais vous recommander un livre. Je ne suis pas très original parce qu'il y a plein de monde qui l'ont recommandé, je suis sûr, mais c'est le livre de Stéphane Larue, son premier roman qui s'appelle Le Plongeur, qui est un super roman avec une écriture très efficace, un peu une écriture à l'américaine, ce qu'on voit pas si souvent que ça au Québec, je trouve, est très assumé comme écriture américaine, est très efficace, est très émouvante aussi par moments, est très réaliste dans les dialogues, avec une vraie histoire et des scènes de cuisine. Je vous jure, après avoir lu les scènes de cuisine, vous allez aller prendre votre douche. Je vous garantis que c'est vrai. C'est tellement efficace, on se croit tellement... Je pensais pas que des scènes de cuisine pouvaient être stressantes comme ça. Voilà, à lire.